Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant : « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ? »